directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue à cette édition des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 7 au 13 juin 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et comme à toutes les semaines, on va se taper un top 20 francophone et un top 20 anglophone. C'est les pièces les plus appréciées et les plus aimées des animateurs de C'est fou. À la semaine passée, le numéro 1 franco, c'était Radio Radio avec Cargué dans ma chaise, alors qu'en anglo, eh ben c'était Zeus avec How Does It Feel. On va savoir si ça tient d'ici la fin de l'émission dans 3 heures environ. Mais avant ça, on a plein de nouvelles entrées. On en a 4, 3, c'est combien même plein. Mais bon, quand même. Alors, on va voir tout à l'heure le volume était au maximum et The New Pornographers, mais on débute avec Ashigan, une nouvelle pièce de l'album Au fond des toilettes du monde. Voici Fort dans le faux au 89.1 FM. Scientist and vandal, is indefinite and shake it. Take your gift for accident, for granted and skin tight. Pull the strings that make this thing you pushed with all your might. Compliqué, je qualifierais C'est fou d'un variétase musical. Laissez faire, arrêtez de chercher tout le temps sur vos radios, puis laissez-le au même poste. Laissez-le, C'est fou, vous allez voir, il y a tout le temps de quoi de nouveau, viable. À la limite, tu pourrais manger ton lunch en écoutant du progressif, puis après ça, te taper un après-midi de classique, tu comprends? C'est varié, variétase. C'est fou, FM, va rien. Elle anime toute une nouvelle émission où elle raconte tous ses trucs numéro 19. Nouvelle entrée. Winter Sleep avec Black Camera qui monte d'une place, c'était une bonne entrée la semaine passée. Avant ça, en 19e franco, c'était le volume était au maximum avec la nouvelle pièce Nadine à la radio. Hein? Avant ça, en 20e place anglophone, il y avait The New Pornographers, c'est une nouvelle entrée avec Your Hands Together. Et on a débuté avec Ashiga et la troisième nouvelle entrée de la semaine et la dernière. Fort dans le faux, c'est sur leur album Au fond des toilettes du monde. C'est la deuxième pièce d'Ashiga dans nos palmarès. Vous êtes dans les palmarès Sifo, un condensé de la meilleure musique que Sifo a à vous offrir. Et on est rendu aux positions numéro 18 du côté anglo. C'est Plants and Animals qui était nouvelle la semaine passée. Ça monte d'une place. La pièce s'appelle Contiki. On débute en 18e franco avec une pièce qui descend vraiment, vraiment beaucoup de la 5e place. Voici Vlan des Dents et mes meilleurs amis au 89.1 FM. C'est dans vos oreilles. 18. Bad Animals avec Kon-Tiki, c'était la nouvelle entrée la semaine passée, maintenant c'est en 18e place, donc ça monte d'un numéro. Du côté franco, c'était Vlan et Dan avec Les Meilleurs Amis, et ça, ça descend de la position numéro 5, 9e semaine de présence pour cette pièce de l'album Démo Plate. En 17e anglo, on retrouve The Sadies avec Another Year Again qui est stable, mais tout de suite, on s'en va entendre Le Couleur qui monte de 3, c'était nouveau la semaine passée, voici L'Amour le Jour, dans les palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. Retour. Retour de CD's Broken Social Scene, Sonny Duval et Métagruau dans les palmarès. C'est fou. Vous êtes à C'est fou 89.1. Vous êtes assez fou. Numéro 17. The years have passed you by, and your face is all that changes in this town. You can make it up so high that the only place that's left to go is down. Right now it's fine, but soon you'll find you're running out of time. It won't be long till all your hopes and dreams are dead and gone. It's a dirty, risky game to play, and someone always has to come in last. They're not blind, they can't see through the pennies on their eyes. I can't say why I'm haunted by the voices in my mind. And I say farewell. It's over now, as far as I can tell. The Cities et Another Year Again, stable en 17e position. Avant ça, c'était Le Couleur avec L'Amour le Jour. Ça monte de 3 places. Les deux étaient nouvelles la semaine passée. En 16e position, le fun maintenant, c'est stable. Broken Social Scene avec World Sick. Mais tout de suite, voici Sonny Duval qui monte de 3 avec Rousse dans mon lit. Au palmarès, c'est fou. Yeah. Sonny Duval est la pièce titre de son album Saint-Noir, Saint-Blanc. Vous aurez compris que c'était pas Rose dans mon lit. Donc on s'en va l'entendre à l'instant. Voici Rose dans mon lit de Sonny Duval. Il y a une grande rousse dans mon lit. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Tout nu, elle fume dans mon lit. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Des bagues, des allumettes, plus loin sur le tapis. Le verre fini, un lit qui fait du bruit. Thank you. Broken Social Scene avec World Sick, stable en 16e position anglophone. Avant ça, on a entendu Sonny Duval avec Rousse dans mon lit. Ça, ça monte de 3 places et c'était nouveau la semaine passée sur l'album Saint-Noir, Saint-Blanc. Vous êtes dans les palmarès Sifou, un condensé de la meilleure musique que Sifou a à vous offrir. En 15e position anglophone, c'est stable. A Heat Rash par Los Campesinos, mais tout de suite, voici Metagruo qui descend de 6 places avec Corvette au 89.1 FM. C'est fou! To the rain, you shine through the winds of another beat. it up in quotations and fluff, but I had a dream. I said with hand in pockets, I mean it, how they'll hurt you. I held a gun to his head, I pressed your thumbs to her throat. In these letters, letters from me to Charlotte. Walk out onto your front lawn and face into the rain, shout into the wind, this will never be the same. Walk out onto your front lawn and face into the rain, shout into the wind, this will never be the same. A Heat Rash in the Shape of the Show Me State or Letters from Me to Charlotte par Los Campesinos. C'est sur leur album Romance is Boring dans les palmarès C'est Fou. Et c'était la position numéro 15, stable, troisième semaine de présence. Avant d'entendu, en 15e position, Franco Métagruo avec Corvette, ça descend de 6 places. On est rendu au 14e. Tantôt, on va entendre Crystal Castles avec Celestica. Mais là, on s'en va entendre une très bonne pièce de Bravo Funken. Elle s'appelle Ton cœur est un beatbox. C'est sur leur maxi qui se nomme Mille miroirs. Et en passant, si ça vous tente d'aller entendre des vieilles émissions des Palmarès, c'est fou, hein, parce que c'est donc divertissant tout ce que je peux raconter entre les pièces. Hein, c'est sur assemblagerequis.com qu'il faut aller. Assemblagerequis.com. Tout de suite, voici Bravo Funken et Ton cœur est un beatbox. Sur C'est fou, 89 FM. Numéro 14. Crystal Castles et la pièce Celestica en 14e position anglophone. Ça monte de 4 places. C'était nouveau la semaine passée. Avant ça, on l'a entendu. Bravo Funkin et ton cœur est un beatbox qui monte de 2 places. 3e semaine de présence. Et c'est là-dessus que se termine la première heure des Palmarès Fous. Il nous en reste 2. Tout à l'heure, on va entendre Vulgar Machin, The Brains, Damien Robitaille, Carquois, Xavier Caffeine. Il va y avoir aussi Tegan and Sarah, Zeus, Rocky Erickson, Huckerville River et Dr. Dog. C'est un paquet de bonnes choses à ne pas manquer dans la deuxième heure des Palmarès Fous. Restez là. Des palmarès, c'est fou pour la semaine du 7 au 13 juin 2010. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette deuxième heure commence avec les positions numéro 13 du côté anglophone. On saute par-dessus Yes Ayer avec ONE qui descend de la 4e place, 8e semaine de présence. On va entendre Vulgar Machin avec Texture qui se mange qui monte de la 17e place. Suivront les 12e positions, c'est-à-dire The Brains avec Après cette nuit en franco et Tegan and Sarah avec The Ocean en anglo. Mais ça commence tout de suite avec quoi? Vulgar Machin, Texture qui se mange au 89 FM. C'est fou. T'écoutes, c'est fou, pis c'est sûr que tu vas entendre un paquet de trucs. C'est jamais pareil. T'as du traditionnel, t'as du jazzé. Tu peux danser sa tête en écoutant du rock and roll, si tu veux. Faut faire tout. C'est fou, fou, fou, fou. Mmh. numéro 12. Tegan and Sarah avec The Ocean. Ça descend de la deuxième place. C'est en 12e position anglo. Donc, chute de 10. Ça fait 8 semaines que c'est là, cette pièce de l'album Sainthood. Avant, en francophone, c'était The Brains avec Après cette nuit. Et ça, ça monte de une place. C'est sur l'album Zombie Nation. Avant ça, c'était les 13e positions. Hein. On a sauté par-dessus USA avec ONE en anglo. Et on a entendu Vulgar Machin avec Textours qui se mange en 13e francophone. Bon, on est rendu aux positions numéro 11. Du côté anglo, on va entendre Zeus avec How Does It Feel, lancé numéro 1. Donc, on a un nouveau numéro 1 du côté anglophone. Tout de suite, voici Xavier Caffeine qui monte de 4 places. C'est Vive la mort au 89 FM. C'est fou. How does it feel? How does it feel? I hear Zoo, c'est How Does It Feel, l'ancien numéro 1 anglophone, c'est maintenant 11e position anglo, donc ça descend de 10 places. Avant, Franco, c'était Exilé Caféine avec Vive la mort, ça monte de 4 places, c'était nouveau il y a 2 semaines, c'est sur l'album Bushido. On vient de dépasser le cap de la mi-chemin, donc on est rendu au 10e place, wow, du côté anglo. On va sauter par-dessus Danko Jones avec I Wanna Break Up With You, qui descend de la 5e place. On va par contre entendre Damien Robitaille avec Casse-tête, qui monte de 1, et ça commence à l'instant. Au 89 FM, c'est un condensé de la meilleure musique que Sifu a à vous offrir, qu'on appelle les palmarès Sifu. Dis à l'envers pour faire changement. Custer. Comme un casse-tête, les morceaux sont mélangés. Casse-tête. Je prends des vacances en ambulance. J'ai besoin de soins à l'urgence. Car comme une bête, je faisais la fête. Et je me suis cassé la tête. Oh, un homme en transe qui se déhanche. Je dansais la danse, la négligence. Et la débauche m'a rendu gauche. Il aurait fallu que je me repose. Mais je me suis pendu la figure. Sans être très très curieux, je m'intéresse à pas mal de choses et sans non plus écouter des groupes métaux, c'est important de se renseigner et de se diversifier dans son écoute. CFOU est là pour ça. Syntonisez le poste et vous pourrez entendre divers styles musicaux à différents volumes.

Rocky Erickson et Hockerville River, numéro 14 la semaine passée, qui est maintenant numéro 9, donc plus 5 pour la pièce Goodbye Sweet Dreams. Avant ça, on a entendu du côté francophone, c'était Carquois avec Le Bon Sens, ça monte de 3 places. Avant ça, on a sauté par-dessus Danko Jones avec I Wanna Break Up With You en 10e anglophone, ça descendait de 5 places. Par contre, on a entendu Damien Robitaille avec Casse-Tête qui montait de 1. On est rendu au 8e place du côté anglophone, c'est Dr. Dog avec Where Did All Time Go? Ça monte de 4 places, mais tout de suite, voici, on est rendu à Stéréo Total avec la pièce Andy Warhol. Incroyable, mais vrai. Je vous rappelle que nous sommes là, en direct, entre le lundi entre 15h et 18h. On rappelle vendredi entre 17h et 20h. Dans les palmarès, c'est fou. Stéréo Total, Andy Warhol, right now, 89 FM, c'est fou. Yes. No. Well, I hadn't thought about it. Andy Warhol était très cool, mais il avait beaucoup de boutons. De l'acné juvénile à 40 ans comme à 13 ans. Andy Warhol était barjo, il mangeait comme un moineau. Oui, surtout si c'était lui qui payait l'addition. Andy Warhol était Miro, la preuve, il portait des lunettes. Pas un type sur le caillou, la preuve, il portait une perruque. Il est d'une telle arrogance que par un coup de malchance, Valérie Solanas lui balance des balles dans les côtes, des balles dans les côtes. La maman d'Andy pleure, personne n'y comprend rien. Sa poitrine de poitrineur, il s'agit d'un quiproquo malentendu, quelle rancunière. Andy Warhol disait l'essentiel c'est d'être dans le journal. Qu'on parle de toi en bien ou en mal, c'est complètement égal. Andy Warhol disait l'essentiel c'est de ne jamais souffrir. Mais à l'hôpital, il avait vraiment mal. Il est d'une telle arrogance que par un coup de malchance, Valérie Solanas lui balance des balles dans les côtes, des balles dans les côtes. La maman d'Andy pleure, personne n'y comprend rien. Tu t'es foutu sa gueule comme un artiste à la gomme. Sur sa poitrine de poitrineur, il s'agit d'un quiproquo malentendu, quelle rancunière. Andy Warhol. Quand on est artiste humoristique, la pire tragédie, c'est quand d'autres pathétiques soudain vous prennent au sérieux. Numéro 8. Non, vous n'écoutez pas une reprise. Oui, c'est la même chose qui s'est passée la semaine passée avec la même pièce dans le même lecteur. C'est mon erreur. On retourne entendre tout de suite Where'd All the Time Go par Dr. Dog. Et puis, c'est ça. T'sais, à un moment donné, on apprend de ses erreurs, ou on n'apprend pas, dans mon cas, on n'apprend pas du tout. Dr. Dog et Where Did All the Time Go en 8e position anglophone, ça monte de 4 places. Alors, c'était Stereo Total avec Andy Warhol et ça monte de 6 places. C'est sur l'album Baby Who. Vous êtes dans les Palmarès Sifu, un condensé de la meilleure musique que Sifu a à vous offrir. Il nous reste encore, je sais pas, 1h15 ensemble environ. On va entendre du côté anglophone en 7e place Mister Valère avec Ave Mucho. Mais avant ça, voici Fred Fortin et Madame Rose qui montent de 3 places sur Sifu 89.fm. Ça faisait plus de 3 heures qu'elle trempait dans son bain, Madame Rose. L'eau était tiède et sale, son visage était pâle, Madame Rose, Madame Rose. Ça ne faisait aucun doute que c'était un jaloux, Mr. Blue. Elle était enfermée depuis plusieurs années, Madame Rose.

Mister Valère et Ave Mucho en 7e position anglophone, ça monte la 13e. Avant, c'était Fred Fortin avec Madame Rose qui monte de 3, 7e semaine de présence pour Fred sur notre palmarès avec cette pièce-là. Hein? Parce que sinon, ça fait des mois qu'il est sur le palmarès avec différentes pièces. 6e place maintenant en anglophone, c'est Madcaps avec Hurt You qui monte de 4. Mais tout de suite, voici les 3 accords qui montent d'une place. C'est Nuit de la poésie dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. Madcap, c'est Hurt You en position numéro 6, ça monte de 4 places. Avant, c'était les trois accords avec Nuit de la poésie qui monte d'une place. Voilà. C'est la fin de la deuxième heure. Il y en a une troisième et dernière qui s'en vient. On va entendre les positions 5 à 1. Est-ce que notre numéro 1 sera encore Radio Radio avec Cargué dans ma chaise? Je ne sais pas. Par contre, je sais que le numéro 1 anglophone est maintenant 11e Zeus avec How Does It Feel? Donc, les réponses et tellement plus de musique. Au 89 FM, c'est les palmarès. C'est fou. Restez avec nous. C'est fou, c'est comme faire une course avec un nain. C'est sûr de gagner. 89. Hey, c'est la troisième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 7 au 13 juin 2010. Toujours Mathieu Plante avec vous pour cette dernière heure. Il va comprendre le top 5 de chaque côté. On sait que le numéro 1 anglophone est descendu en position numéro 11, Zeus avec How Does It Feel. Donc on a quelque chose de nouveau en anglo. Il nous reste encore You Say Party, We Say Die à entendre. Final Flash, Airborne, il y a GBH. Ah oui, plein d'affaires. Du côté franco, le numéro 1, ben, on s'en va l'entendre là. C'est Radio Radio avec Cargué dans ma chaise qui descend en 5e place dans les palmarès C'est fou. Et c'est à l'instant même. Sit back, relax. Pas ton favorite lazy boy recliner chair. Mm-hmm. I'm used to it. It's a back. It's a proper bounce. It's all I bet enough. Prime left over, she deft on back, then fuck a burnack. Sur le catwalk, text mon laptop. La nuit calme, faut j'en presse les dames avec ma lazy walk, lazy boy, j'pin joy. Une bonne petite drink, c'est énorme, enjoy. All inclusive, non intrusive. J'ose, j'ose, j'ose, j'ose. Cargué dans la chaise, à la sortie de la maze. Belle smile, belle plume, dit centre à l'aise. Dire quoi si tu veux, si que tu veux. Security est clear, this is tout ce way. Moulin, belle smile, belle plume, sans balai. Lagos, Porto, I'm a fly away. 33 tours, 33 journées, y'a pas quoi d'ailleurs. Is man, you scone me. Only cag it on my shades, cag it on my shades. Only cag it on my shades, cag it on my shades. Only cag it on my shades, cag it on my shades. Only cag it on my shades, cag it on my shades. Jose, Jose, Jose, Jose. Only can't get on my shades, can't get on my shades. So you said some more lazy boy. Only can't get on my shades, can't get on my shades. Jose, Jose, Jose, Jose. Can't get on my shades, le gars est à l'aise. Le feu qui brasse, mais il check on la braise. Les temps s'en vont, super duper bon. Can't get on my shades, super duper freaking bon. C'est le two step front, le one step back. Shake ton juice for the out, relax. C'est le two step front, le one step back. Shake ton cheese with it out, relax. Dinner in the sun, say it bonnie day. Y'a de la place sur le couch, petit test de lait. Jose, Jose, Jose, Jose. Il faut des mots de mal, petit test de lait. She relaxed and relaxed and relaxo. Relaxa, relaxo, relaxa, relaxo. She relaxed and relaxed and relaxo. Relaxa, relaxo, relaxa, relaxo. Jose, Jose, Jose, Jose. 5. Tell all my friends I'm not home. I'd rather go this alone. My mind been blown to pieces. My life an empty thesis. Andrew Valentine et Treadmills of Love montent de deux places en cinquième position anglophone. C'est sur leur album Lessons from Late Night. C'était précédé de l'ancien numéro 1 francophone Cargué dans ma chaise de Radio Radio. C'est sur leur album Belmundo Regal. Oui. Position numéro 4 anglophone maintenant, ça monte de 5 places. Dark Days par You Say Party, We Say Die sur l'album Quadruple X. Mais avant ça, voici Moussette qui monte de 4 avec les Fauves. Ça, c'est fou. 89 FM. Oh, c'est fou. Tombe ça. Ils come to me in the dark days. You come to me through fire, you stay. When I go out, you surround me. In the deep of night, you keep. Dark Days, the You Say Party, We Say Die en position numéro 4, anglophone, ça monte de 5. Avant, c'était Moussette avec les Fauves, ça monte de 4. Ça, c'était numéro 8 la semaine passée. 7e semaine de présence pour Moussette sur le palmarès. Position numéro 3, anglophone, maintenant, c'est Final Flash avec Chosen Generation. Ça monte de la 11e place. Donc, on entre dans le top 3, là, pas mal en force, je pense. Juste après Tricot Machine, qui commence vraiment pas en force du tout. Voici un bout ensemble, là, 89 FM. C'est pas bon, mais ça fesse pas tant que ça, t'sais. Si tu penses à peu près comme je pense, on peut faire un bout ensemble. Si je danse à peu près comme tu danses, on peut faire un bout ensemble. Moins bien que tu chantes. Chosen Generation, The Final Flash, troisième position anglophone, ça monte de la 11e. Avant ça, c'était Tricot Machine avec un bout ensemble, hein, deux pièces qui vont ensemble merveille. Ça monte de 3 places sur l'album Défi les rites, c'est le deuxième extrait de Tricot Machine et il est là depuis 7 semaines. En deuxième position anglophone, on trouve Airborne avec It Ain't Over Till It's Over qui monte de 4 places, mais tout de suite, allons entendre Ariel qui monte de 2 avec Après le crime, pourquoi donc pas? C'est juste une suggestion, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Retour Airborne et les positions numéro 1 dans les palmarès C'est fou au 89 FM. Yeah. Starborn et It Ain't Over Till It's Over, position numéro 2, ça monte de 4 places. Avant ça, c'était du côté francophone, Ariel avec Après le crime, ça monte de 2 places. On est rendu position numéro 1, déjà les choses avancent et filent. Évidemment, je vous dis pas ce que c'est, je vous dirai après alors qu'on fera un petit résumé. Mais pour l'instant, voici la position numéro 1 francophone. Indice, ça avait des wouhouhou dedans. C'est bien, c'est bien. Ouais, là, ça va être... Et voilà! Salut, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Y'a rien à télé, mes parents pensent que je dors. Je suis fatigué de lire les bandes dessinées. J'ai envie de faire quelque chose de temps. Sors par ta fenêtre pour que personne ne puisse te voir. Mets pas ta robe neuve, on s'en va jouer. Dans le noir, dans le noir, dans le noir. Apporte ta lampe de poche pour pas qu'on se pète la gueule. D'après ce que j'ai entendu, y'aurait des choses qui bougent tout seul. On aurait vu des fantômes, c'est sûr, il fait tellement sombre. Mais comme dans les films d'horreur, moi j'ai pas peur. Viens donc me rejoindre à minuit et demi près de la maison hantée. Personne nous a vu quand on est descendu. Des bruits bizarres, pas de monstres dans le noir. Mais mon cœur s'est serré quand on s'est rapproché. Première position. kids, get down! Et voilà, c'est là-dessus que se termine la portion régulière des palmarès. C'est fou, mais avant de dire qu'il était au numéro 1, on fait un petit récapitulatif, comme toujours. Du côté anglophone, en troisième place, c'était Fallon Flash avec Chosen Generation. En deuxième, Airborne avec It Ain't Over Till It's Over. Et on vient d'entendre la première position, GBH avec Kids Get Down. Du côté francophone, Trico Machine est en troisième avec Un Bout Ensemble. En deuxième, c'est Ariel avec Après le Crime. Et on a entendu la position numéro 1, c'était le Husky avec Maison Hantée qui monte d'une place. C'est la 8e semaine de présence pour cette pièce du Husky et c'est la 7e pour GBH avec Kids Get Down. Donc voilà, ça a monté pas mal, ça. Dans le temps normal, je trouve. Cette 8e semaine, c'est pas mal le standard, il me semble. Ah, c'est bien. Voilà donc pour les palmarès pour la semaine du 7 au 13 juin. Maintenant, on change d'à-propos. Pourquoi pas pour aller entendre un petit peu de palmarès électronique. Oui, palmarès électronique qui est publié à chaque semaine par Jean-François Fecteau, l'émission Le Vestibule, qui est diffusée ici à C'est Fou les samedis soirs à partir de 21h. Et là, si je regarde ça, il y a quelques nouvelles entrées, 5 en tout. En 10e, on trouve Lindstrom and Christabel avec Real Life is No Cool. En 7e, Arc avec Church. En 6e, Trent Mahler avec Sycamore Feeling. En 5e, Here We Go Magic avec Pigeons. Et en 4e, Ginormous avec The Sound of Love Impermanent. Wow, ça que mes entrées, j'aime beaucoup ça. Nous, ce qu'on va aller faire, c'est entendre la position numéro 3. C'est le projet américain End User. C'est tiré du mini-album 1 tiers. C'est cet album-là qui est en 3e position du palmarès. On va entendre... Oh, ben ça recommence. Hein. C'est le fun, ça. Super. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est la pièce Death Vest 09 qu'on va l'entendre. Ça contient un extrait de la chanson Light from a Dead Star de la défunte formation britannique Lush. Donc voici le projet américain End User tout de suite dans les palmarès. C'est fou. Au 89 FM. Suivra la pièce Airlift du projet Dosh mené par Martin Dosh. C'est tiré de l'album Tommy qui est en 2e position du palmarès électronique. We'll be right back. La pièce Airlift du projet Dosh, mené par Martin Dosh, c'est tiré de l'album Tommy, qui est en deuxième position du palmarès électronique. Avant ça, on a entendu la pièce Death Vest 09, qui contient un extrait de la chanson Light from a Dead Star de la défunte formation britannique Lush, mais la pièce est du projet américain End User, c'est tiré de l'album, du mini-album Un Tiers, qui prend la troisième position de ce même palmarès électronique. Voilà pour cette portion-là, et voici pas mal la fin aussi pour l'émission. À un moment donné, il faut finir ça, cette émission-là. Donc, c'est les palmarès, c'est fou pour la semaine du 7 au 13 juin 2010. Je vous laisse en compagnie de Simon Fitzbay à partir de 18h le lundi. Ça va être un genre de bleu qui va suivre. Si vous écoutez la rediffusion, qui est le vendredi soir entre 17h et 20h, ça va être les lutins de l'enfer qui vont commencer dans quelques minutes à peine. Il y a des choses qui se manigancent avec les palmarès, c'est fou, et l'horaire de diffusion. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com pour les détails qui vont s'en venir, ou sinon, suivez les palmarès, c'est fou sur facebook.com. Voilà, donc bonne semaine, bonne fin de semaine, dépendant où vous nous écoutez. On se quitte avec un extrait de The New Pornographers. Vous les avez entendus en tout début d'émission, hein, ils sont une nouvelle entrée en position 20. Et les deux dernières émissions, je crois, on s'était quitté avec des pièces de The New Pornographers. C'était toujours la pièce Your Hands Together. Là, c'est comme celle-là qui est en train de palmarès. Je me suis dit, bon, on va commencer la bonne tradition, tu sais, et on va écouter une autre pièce qu'on connaît moins. C'est Crash Years de leur album Together. C'est tout nouveau, c'est tout bon. Et puis, c'est ce qui va terminer l'émission. Donc, bye bye, et j'arrête de dire au revoir comme 15 fois de suite. Vous savez qu'on s'en va. Bye. Rest of us rule. so wild. Tonight will be